dernière lettre que je chante aujourd'hui. Tu la liras peut-être dans la rage ou dans ton lit. Essaie de réfléchir que je suis fatigué. J'en ai marre de courir, je te dis la vérité. Pourquoi j'en suis là? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi t'es pas là? Pourquoi avec moi? C'est parce que tu as dansé tout au long de ces années. J'ai pas pu te rattraper. De ton fil tu es tombé. On dansait tout le temps à trois, c'est tellement mieux. Ça veut dire que maintenant on est triste tous les deux. Pourquoi pas comme ça? Pourquoi? Je ne sais pas. Pourquoi je fais ça? Pourquoi me laisse pas? Aussi vite que le nuage poussé par les tempêtes, irait tourner les pages, c'est pour ça que je m'inquiète. Tu dors si loin là-bas, sans un souffle de vie. Mais dormir je ne peux pas, c'est pour ça que je t'écris. Pourquoi comme ça? Pourquoi j'arrête pas? Pourquoi reviens là? Pourquoi? J'y arrive pas. Pourquoi?